Chapitre troisième. Miss Garth, une fois rentrée, n'essaya point de cacher l'impression défavorable que lui avait laissée l'étranger en noir. Il voulait sans doute obtenir de Mrs. Vanstone quelques secours pécuniaires. On arrivait plus aisément à comprendre quel droit il pouvait avoir à sa bienveillance, à moins cependant qu'il n'eût ceux d'un parent tombé dans la misère. Mrs. Vanstone n'avait-elle jamais, devant ses filles, prononcé le nom du capitaine Raig? Ni l'une ni l'autre ne se rappelait ce nom. Mrs. Vanstone n'avait-elle jamais fait allusion à quelques parents pauvres et qu'elle aida à vivre? Tout au contraire, à plusieurs reprises dans le cours de ces dernières années, on lui avait entendu dire qu'elle ne se connaissait aucun parent encore en vie. Et cependant, le capitaine Raig avait dit très expressément que le nom inscrit sur sa carte rappellerait à Mrs. Vanstone une affaire de famille. Que pouvait signifier ceci? Une assertion fausse de la part d'un étranger, sans aucune raison assignable à ce mensonge, ou bien un second mystère, succédant immédiatement à celui qui avait déterminé le voyage de Londres. Toutes les probabilités s'unissaient pour faire supposer quelque connexité cachée entre les affaires de famille qui avaient déterminé le départ subit de Mr. et Mrs. Vanstone et les affaires de famille associées désormais au nom du capitaine Raig. Les doutes conçus par Miss Garth dès la veille se représentèrent donc en foule à son esprit lorsqu'elle cacheta sa lettre à Mrs. Vanstone après y avoir inséré la carte du capitaine. Courrier par courrier, la réponse arriva. Toujours levée avant les autres dames de la maison, Miss Garth était seule dans la salle à manger quand la lettre y fut apportée. Un premier coup d'œil jeté sur le contenu lui suffit pour lui démontrer qu'il fallait la lire à tête reposée, loin de tous les yeux, avant d'avoir à satisfaire des curiosités qui pourraient être fort embarrassantes. Chargeant donc le domestique de transmettre à Nora l'invitation de faire le thé, elle remonta immédiatement dans sa chambre, toujours close et solitaire, où elle se trouvait à l'abri de toute indiscrétion. L'épître de Mrs. Vanstone était d'une certaine longueur. La première partie avait trait au capitaine Raig, et sans la moindre réticence, entrait dans tous les détails relatifs soit à cet homme lui-même, soit aux motifs par lesquels il avait dû être poussé en venant à Combraven. Il résultait des explications de Mrs. Vanstone que sa mère avait été mariée deux fois. La première, un certain docteur Raig, veuf, pourvu d'enfants, et l'un de ses enfants était justement ce capitaine à tournure cléricale, qui donnait son adresse au bureau de poste de Bristol. Mrs. Raig n'avait pas eu d'enfant de ce premier mari, et avait par la suite épousé le père de Mrs. Vanstone. Celle-ci était l'unique fruit de cette seconde union. Elle avait, dès les premiers temps de son mariage, perdu son père et sa mère, puis tous ses parents maternels, qui étaient alors les plus proches parmi les survivants, lui avaient été successivement enlevés par la mort. À l'heure actuelle, elle ne se connaissait pas au monde un seul parent, sauf, peut-être, certains cousins qu'elle n'avait jamais vus, et sur le compte desquels elle n'avait en outre aucun renseignement bien précis. En de telles circonstances, quel droit d'affinité pouvait réclamer le capitaine Raig à l'encontre de Mrs. Vanstone? Évidemment, pas le moindre. Comme fils du premier mari de sa mère et d'une première femme épousée par ce mari, la plus ample courtoisie n'aurait pu le comprendre à aucun moment quelconque sous la liste des parents les plus éloignés que put avoir Mrs. Vanstone. Parfaitement au courant de cette situation, ajoutait la lettre, il n'en avait pas moins persisté à réclamer les vagues privilèges d'une sorte d'alliance quelconque, et Mrs. Vanstone avait eu la faiblesse de ne pas repousser absolument cette importunité, dans la crainte que, si elle agissait autrement, il ne se fît présenter à Mr. Vanstone afin d'exploiter impudemment une générosité dont il avait pu entendre parler. Répugnant à l'idée de permettre que son mari fût tourmenté, dupé peut-être, selon toute apparence, par un individu qui se serait présenté à lui, avec des droits plus ou moins contestables, comme appartenant à la famille d'où elle sortait, elle s'était résignée depuis bien des années déjà à prendre sur sa bourse particulière de quoi satisfaire aux demandes du capitaine, à condition cependant qu'il ne se rapprocherait point du séjour où elle résidait et qu'il ne se permettrait jamais la moindre indiscrétion à l'égard de Mr. Vanstone. Reconnaissant ensuite sans hésiter qu'elle avait agi en ceci avec peu de prudence, Mrs. Vanstone rejetait sa faiblesse sur ce qu'elle avait toujours vu le capitaine réduit pour vivre, à exploiter ainsi tantôt l'un, tantôt l'autre des membres de sa famille maternelle. Doué de facultés qui lui auraient permis de se distinguer dans toutes les carrières ouvertes devant lui, il n'en était pas moins resté, depuis sa jeunesse, un véritable déshonneur pour tout ce qui tenait à lui. Il s'était fait chasser du régiment de milice où il avait jadis obtenu un commandement. Il avait essayé, l'un après l'autre, divers emplois, et toujours misérablement échoué. Puis il s'était mis à vivre de son savoir-faire, dans le sens le plus vil de cet euphémisme consacré. Il avait pris pour femme une pauvre idiote, longtemps employée dans une sorte de table d'hôte subalterne, et à qui, par hasard, était échue une misérable dot, dissipée sans le moindre scrupule et jusqu'au dernier farthing par son impitoyable mari. Pour parler net, c'était un incorrigible drôle, et il venait d'ajouter à la longue liste de ses méfaits l'impudente violation des clauses stipulées par Mrs. Vanstone comme condition des secours qu'elle lui octroyait depuis longtemps. Aussi lui avait-elle écrit, à l'adresse indiquée, en termes tels qu'il s'abstiendrait désormais, elle l'espérait au moins, de jamais hasarder une seconde visite aux environs de Combraven. Ainsi se terminait la première partie de la lettre de Mrs. Vanstone, jusque-là exclusivement relative au capitaine Raig. Bien que cet exposé de fait impliquât chez Mrs. Vanstone une faiblesse de caractère que Miss Garth, après bien des années d'intimité, n'y avait jamais découverte, elle accepta naturellement des explications, après tout, fort complètes et fort satisfaisantes. Satisfaisantes surtout en ce qu'elles permettaient, à l'égard des jeunes filles, des communications qui apaiseraient leur curiosité, maintenant très en éveil. Ce début l'avait donc soulagée à quelques égards, mais la seconde moitié de la lettre produisit sur elle une tout autre impression. Il y était question du voyage à Londres. Mrs. Vanstone débutait par faire appel à la vieille amitié que de longs rapports avaient créée entre elle et Miss Garth. Cette amitié l'obligeait à lui confier, sous le sceau du secret, les motifs qu'il avait décidé à partir avec son mari. Miss Garth, par délicatesse, s'était abstenue de manifester, mais devait éprouver encore une grande surprise devant le mystère qui avait enveloppé ce départ. Elle avait dû se demander pourquoi Mrs. Vanstone se trouvait mêlée à des affaires de famille qui, vu leur situation parfaitement indépendante quant à leur parenté, devaient inévitablement n'intéresser que Mr. Vanstone. Sans insister sur ce que pouvaient être ses affaires, ce qui n'était ni désirable ni utile, Mrs. Vanstone se flattait de calmer tous les scrupules que Miss Garth avait pu concevoir relativement à elle, et cela, par une simple déclaration. En accompagnant à Londres son mari, elle s'était proposée de voir un célèbre médecin et de le consulter secrètement sur certains détails de santé qui avaient à ses yeux une importance de premier ordre. Et, afin de s'exprimer plus clairement, l'objet de cette consultation n'était rien moins que la chance, plus ou moins probable, d'une maternité nouvelle qui semblait lui être promise. Quand cette supposition s'était pour la première fois offerte à elle, Mrs. Vanstone n'y avait vu qu'une illusion chimérique. Le long intervalle qui s'était écoulé depuis la naissance de son dernier enfant, la sérieuse maladie qui, après la mort prématurée de cet enfant, l'avait mise aux portes du tombeau, l'âge auquel elle était parvenue, tout la poussait à chasser cette idée de son esprit. Mais, quoi qu'elle pût faire, elle en était obsédée, et il était devenu indispensable, à son gré, d'avoir recours à une consultation. En même temps, elle répugnait à la pensée d'alarmer ses filles, en appelant près d'elle un des premiers médecins de la capitale. Maintenant, l'oracle avait parlé. Ce qui n'était d'abord qu'un doute devenait une certitude, et l'issue de cette nouvelle épreuve, échéant, disait-on, aux dernières semaines de l'été, prêtait à son âge et dans son état de santé à d'assez vives anxiétés, pour ne rien dire de plus. Le médecin avait fait de son mieux pour lui donner bon courage, mais elle avait parfaitement compris la portée des questions qu'il lui adressait, et il lui avait été facile de deviner qu'il concevait les craintes les plus fâcheuses sur le résultat de ses couches tardives. Mrs. Vanstone, après être entrée dans tous ces détails, demandait qu'il demeurasse entre elle et la personne à qui elle les avait adressées. Elle avait attendu, pour les communiquer à Miss Garth, que ses soupçons fussent confirmés. Elle reculait maintenant plus que jamais à l'idée de mettre ses filles dans le secret de ses anxiétés. Il valait beaucoup mieux laisser l'incident où il en était et attendre, avec toutes les espérances qu'on pourrait se forger, que l'été fût arrivé. D'ici là, selon toute apparence, on se reverrait vers le 23 du présent mois, jour fixé par Mr. Vanstone pour le rentrer au sein de la famille. Là-dessus, et après les assurances, les messages qui d'ordinaire complètent une missive de ce genre, celle-ci finissait assez brusquement et non sans quelque obscurité. Pendant plusieurs minutes, Miss Garth n'éprouva d'autre sentiment qu'une sympathie bien naturelle pour Mrs. Vanstone, mais bientôt un doute naquit dans sa pensée qui la troubla profondément. L'explication qu'elle venait de lire était-elle vraiment aussi complète, aussi satisfaisante qu'on eût pu le croire de prime abord? En présence des faits qui pouvaient servir à la contrôler, il n'en était certainement pas ainsi. Le matin du départ, Mrs. Vanstone avait quitté la maison sans la moindre inquiétude apparente. À son âge, pourtant, et dans son état de santé, cette tranquillité s'accordait-elle avec les doutes qui l'eussent fait partir pour aller chercher une consultation médicale de ce genre? Et puis, cette lettre de la Nouvelle-Orléans, qui avait rendu nécessaire le départ de Mr. Vanstone, n'était-elle donc pour rien dans celui de sa femme? S'il en était ainsi, pourquoi ce regard avide qu'elle avait jeté sur la lettre dont sa fille venait de constater tout haut la provenance? Même avec le motif qu'elle assignait à son voyage, son attitude au moment où l'on avait ouvert la lettre américaine, son attitude encore au moment du départ, ne suggérait-elle pas l'idée de quelque autre motif non avoué dans sa lettre? Si l'on adoptait cette hypothèse, une conclusion s'en dégageait qui n'avait rien de très flatteur. C'est que Mrs. Vanstone, comprenant ce qui était dû à sa longue liaison avec Miss Garth, avait abordé sans la moindre réserve apparente un des sujets qu'elle avait à traiter vis-à-vis d'elle, afin de pouvoir lui mieux dissimuler ce qu'elle voulait, sur un autre point gardé secret. D'une droiture absolue en tous ses actes, Miss Garth n'abordait qu'en tremblant l'examen des doutes qui s'imposaient à elle. Leur naissance dans son esprit prenait à ses yeux les proportions d'une sorte de félonie envers une amitié bien des fois éprouvée et dont elle sentait tout le prix. Elle enferma la lettre dans son bureau, se leva résolument pour aller vaquer à ses occupations de chaque jour et descendit ensuite pour se rendre au déjeuner. Au milieu de tant d'autres incertitudes, ceci du moins était clair. Mr. et Mrs. Vanstone rentreraient chez eux le 23. Qui pouvait savoir s'ils n'y rapporteraient pas de nouvelles révélations ?